pianiste ici. Il est nul. Là, je trompe de basse. Ça, ça fait... Mi. Là. Mi, là. Yeah, what's that?